vinyle, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulaient. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh, si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. La première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo, vous êtes sur le 107FM. Nous sommes le jeudi 8 mars et aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Alors messieurs, soyez sages. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Un petit coucou au fan club des années bonheur et des gros bisous puisque ce sont essentiellement des femmes. C'est la journée. Alors plus de 400 personnes ont vu la publication pour cette émission. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique et bonjour la Suisse. Je salue un ami animateur Philippe Jung de Radio People. Je rappelle que l'émission sera mise en podcast sur la page de notre radio et rediffusée dimanche 11 à partir de 18h sur la bande d'FM. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Salut à tous, c'est Pierre Charby sur Radio Gemozo sur 107FM. Comme vous venez de l'entendre, je reçois dans quelques instants par téléphone pour cette deuxième émission hommage au crooner, mon ami artiste Pierre Charby, avec la participation de son épouse Cathy. Souvenez-vous. Ça va, voilà. Voilà, alors je rectifie donc mon ami, collègue, animatrice Lou vient de me passer une petite affiche. Je rectifie, c'est la journée des droits internationaux de la femme. Voilà. Avant de rejoindre Pierre et Cathy, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio et sur notre page officielle Gilles Mougel. Je transmettrai en direct à l'antenne. Je retrouve maintenant Pierre. Et Cathy, salut. Bien sûr. Bonjour salut Pierre. Salut Gilou, salut tout le monde, salut mes amis Facebook et mes amis de pas Facebook. De pas Facebook. Comment vas-tu Pierre? Écoute, ça va, j'ai un beau soleil chez moi, donc j'envoie quelques rayons un petit peu partout, mais quelques rayons seulement, hein, j'en garde pour nous quand même. Hein. Ah, tu vas nous faire encore marronner. Ah ben il faut bien, hein, faut bien, non, mais c'est vrai qu'il fait il fait très beau sur la Côte d'Azur. Ah là là là là. Cette chance, mais on a eu de la pluie, hein, et on va encore en avoir, je rassure tout le monde. Et puis vous avez eu de la neige aussi. On a eu de la neige, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Chez nous, en tout cas, on a eu un bon 10 cm, quoi. Oui, j'avais vu ça sur les petites vidéos que tu avais postées, là, hein, c'est vrai que... On n'a pas tenu plus de 2-3 jours. Oui, bien sûr, oui. Mais bon, là, il y a longtemps que ça n'est plus d'actualité. On a une température d'environ 17-18, donc on n'a pas à se plaindre. Ah ben d'accord. Alors, bon, chez nous, dans les Vosges, on a un petit rayon de soleil, tu vois, quand même. Oui. On a un petit rayon de soleil, mais bon, c'est quand même, ça reste un peu frisqué. Il y a un petit peu de vent, donc voilà, tu vois, c'est... Il fait combien, moins 12 ? Non, pas moins 12. Non, on avait quand même un petit 10 degrés, je crois, quelque chose comme ça. Ah hein, ben oui, ça oui. Va, alors. Non, mais tu vois, puis, bah, écoute, puis nous, les Vosgiens, on a l'habitude. Hein, nous sommes pas comme les gens du sud, n'est-ce pas, que dès qu'il y a 2 cm de neige, ils sont perdus. Ah ben, c'est même pas dès qu'il y a 2 cm, c'est quand il y a dès qu'il y a 2 ou 3 flocons, tu veux dire. On n'attend pas qu'il y ait 2 cm. Hein. Voilà, allez, on commence dans la bonne humeur. Alors, Pierre, je te remercie donc d'être présent, et puis Cathy, qu'on entendra tout à l'heure aussi. Hein. Oui, elle est à côté de moi. Elle est à côté de toi, donc je lui fais un bisou, on l'entendra tout à l'heure. Cathy, donc, je vous remercie d'être présent pour cette deuxième émission spéciale Crooner, que nous avons, un petit peu, bien sûr, travaillé ensemble. Hein. Voilà, alors, on va essayer... Oui. Je veux bien essayer d'être un peu moins bavard que l'autre fois. Ouais. Sinon, il va nous falloir un troisième volume, un quatrième. C'est vrai. C'est inépuisable, hein, de toute façon. Oh, c'est vrai, oui. Il y a beaucoup de grands artistes, hein, dans cette catégorie de crooner. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour commencer ? Alors, avant de commencer, Pierrot, je voulais juste quand même te transmettre les amitiés de notre ami commun, Alain Ketterer. Ah, ben je lui fais un gros bisou s'il est à l'écoute. Si tu es à l'écoute, je l'ai vu ce matin, on en a parlé un petit peu, et puis il me dit, voilà, transmets mes amitiés à Pierre et à Cathy. Alain, c'est comme la famille, et puis je suis son témoin de mariage quand même. Hein. Mais je sais. Mais je sais, voilà. Tout ça. Oui. Alors écoute, tu me posais la question, donc on va commencer. Hein. Oui. On va commencer, alors c'est la journée internationale... des droits de la femme. Oui, bah oui. Bon, alors là, je me suis dit, on va commencer par une femme crooner, hein, on va dire comme ouais. Ça. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et j'ai choisi donc Marie-Myriam. Ah. Avec ce titre, Nostalgia. Eh oui, j'adore. Allez, on s'écoute et on en parle après. Merci. Nostalgia, quand je branche transistor, stormy weather, parce qu'il pleut dehors depuis des heures, et que tu restes chez moi. Chaque fois, ça fait bip bip dans qui s'arrête. Voilà, Marie-Myriam, Nostalgia. Ah, ça fait du bien d'entendre des voix pareilles. Ah hein, oui. C'est quand même génial, moi j'adore. C'est ma copine, c'est la grande copine de Cathy aussi, depuis des années et des années. Hein. Et franchement, c'est super. Quoi. Ah, moi, voilà. Je l'adore aussi, Marie-Myriam, elle a une voix, c'est vrai, une belle voix. Et... Là, c'est une des crooners femmes de France, ce qui n'est pas banal finalement, parce qu'il faut penser aux femmes aussi, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme tu l'as finement rappelé, c'est la journée internationale des droits de la femme. Des droits de la femme, tout à fait. Alors, je les embrasse toutes d'un coup. Oui. Hein, voilà. J'ai pas eu le temps de mettre un petit mot sur ma page Facebook, mais que celles qui nous entendent en ce moment, qui nous écoutent, bah, sachent que je pense à elles et que c'est bien qu'il y ait une journée de la femme. Voilà. Bien en règle générale. Bien sûr, bien sûr. Et puis pour revenir sur Marie-Myriam, c'est vrai que c'est une belle artiste. Enfin. Tu sais, j'aurais bien voulu avoir la chance de m'appeler Patrick Sébastien à certains moments. Oui, bon. Oui, non. Bah, pourquoi pas. Hein. Non, voilà, je plaisante. Hein, voilà. Hein, c'est vrai qu'on est dans la bonne humeur, mais c'est vrai qu'elle est, elle est jolie et puis c'est une belle voix. Et j'aurais bien aimé l'avoir en fauneur, Marie-Myriam, mais c'est vrai que... Ah, écoute, pourquoi pas. Hein, l'année dernière, elle avait sorti, tu sais, un livre. Un livre pour sa carrière, enfin voilà, et puis un double CD pour voilà tout ce qu'elle avait fait sur sa carrière. Et j'ai tout ça chez moi, tu vois. Voilà, c'est vrai, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ah, ouais. Alors j'espère que mes amis IES sont à l'écoute. Hein. Je vais en citer quelques-unes comme ça, hein, parce que j'ai vu qu'elles avaient dit qu'elles étaient à l'écoute, qu'elles seraient à l'écoute. Alison, Alexia, Aaron Manoé, Chantal Debuff, il y a Vincent Castronovo, j'espère qu'il est là, Yves-Lise Martin, ma petite sœur de cœur, Micheline Mercier, et son mari Pierre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Marie Dangzac, ma grande amie qui est à Cannes, à qui je fais vraiment un gros bisou aussi. Et mes amis Philippe et René Blanchard. Voilà, j'allais t'en parler. Toinette Multari, enfin, voilà, il y a... Je ne peux pas citer tout le monde, parce que sinon, oui. On va être obligé de faire une dixième émission sur les crooners. Moi j'ai justement Pierre, j'ai un message de Philippe. J'ai reçu un message de Philippe Blanchard sur ma page officielle. Alors je cite. Hein. Donc Philippe nous met bonjour Gilles, Pierre et Cathy. Bonne fête. Voilà. Bien sûr nous écoutons le volume 2 et attention à ce que vous dites car j'enregistre. Tiens, aussi, il y a Muriel Delcroix que je salue aussi, Alain et Geneviève Meffre, je sais qu'ils sont à l'écoute, alors bon, j'espère qu'ils le sont, sinon, évidemment, je salue mon meilleur ami et sa femme, Charlie Baran et Marion. Oui, dont nous entendrons tout à l'heure une chanson. Plus tard. Plus tard. Hein, voilà. Plus tard. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant comme grand crooner Écoute, ce que je te propose maintenant, Pierre, c'est-à-dire que bon, sur la première émission, nous avions écouté Bobby Solo. Oui. Avec cette chanson, On a la clima sous le viseau. Et oui, et il y a quelqu'un quand même en France qui a fait une belle adaptation dans les années 60, et c'est Lucky Blondeau. C'est Lucky Blondeau, avec ce titre, bien sûr, Sur ton visage, une larme. Allez, on l'écoute. Allez, on l'écoute. Sur ton visage, une larme vient de couler en silence. À l'instant où je t'ai dit, tristement, je m'en vais. Sur ton visage une larme, et soudain je réalise que je ne pourrai demain te quitter, ni demain ni jamais. Je n'ose n'osais plus croire que ce jour viendrait. Tout près de moi, tu étais si loin, mais tes pleurs ont changé ma vie. Une larme, une seule a suffi. Sur ton visage une larme, j'ai compris sans plus attendre que ton cœur brûlait autant que le mien depuis déjà bien longtemps. Je n'osais plus croire que ce jour viendrait. Tout près de moi, tu étais si loin, mais tes pleurs ont changé ma vie. Une larme, une seule a suffi. Sur ton visage une larme, aussi douce qu'un je t'aime, s'est fanée pour laisser place à l'instant au sourire de l'amour. De l'amour, de notre amour. Voilà, Lucky Blondeau, sur ton visage une larme. On démarre, bien, hein. On démarre tout en douceur, Pierre. Hein. Ah ben avec les crooners, on risque pas de démarrer autrement. Hein. Voilà, alors j'ai une petite. Il faut que je te passe un petit message. Parce que cette dame, elle a une larme qui coule sur son visage. Parce que tu ne l'as pas citée, il s'agit de Dany Blondeau. Dany, pardon ? Dany Blondeau. Je lui fais un gros bisou. Ah, voilà. Bah écoute, elle est à l'écoute, elle était triste, tu vois, elle avait une larme sur son visage. Non, mais non, il ne faut pas qu'elle soit triste. Non, mais j'ai 5000 amis sur Facebook. Oui, je sais. Si je me mets à les citer tous, c'est pas possible. Mais je pense à tout le monde, que tous ceux et toutes celles qui sont à l'écoute sachent que je n'oublie personne. Mais je ne peux pas citer tout le monde, malheureusement. J'aimerais bien. Bien sûr. J'aime vraiment tous mes amis facebookiens qui sont toujours, je le dis et je le redis, qui sont toujours très chaleureux, très très respectueux de notre vie privée, Cathy et moi. Et on a vraiment l'impression d'avoir de 5000 vrais amis. Alors évidemment, les 5000 ne se manifestent pas tous les jours sur ma page Facebook. Bien sûr, oui. Je pense que il y a des gens qui observent et d'autres qui se manifestent, et puis voilà, c'est bien. On est dans un immense salon, voilà. On rigole tous ensemble avec mes petites blagounettes de temps en temps. De temps en temps, je partage quelque chose qui me paraît vraiment exceptionnel. Je ne partage jamais rien qui soit moyen. Quand je mets quelque chose sur ma page Facebook, c'est vraiment toujours exceptionnel. C'est quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel et que je tiens à partager avec nos amis. D'accord. Voilà. Mais tu es pardonné, Pierre. Dany vient de me mettre un petit mot là. Oui. Dany te pardonne. Alors, il y a un autre blondeau que je veux saluer, c'est mon ami William, qui est sûrement pas à l'écoute parce qu'il travaille, et surtout Alain, mon ami Alain Cassado, que j'adore, et à qui je fais plein de bisous. Je sais qu'il n'écoute pas parce qu'il est dans son salon de coiffure à Nice, oui. À boulevard Rimbaldi, voilà, je fais un petit peu de pub pour lui, et je suis sûr que ça lui fera plaisir de savoir qu'on ne l'oublie pas, et on ne peut pas oublier un ami pareil, de toute Bien façon. Sûr. Et puis, William. Je le rappelle pour tous nos amis, que l'émission sera mise en podcast la page de notre radio, et bon, bien sûr, il y a une rediffusion le dimanche, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur la bande FM, mais bon, de toute façon, on mettra le podcast de l'émission sur la page de la radio, et puis on on partagera sur nos pages respectives. Je mettrai ce podcast sur ma page Facebook comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors Pierre, on va écouter. Je ne sais pas comment le présenter. Je ne sais pas si c'est un jeune premier ou si c'est une chanson qu'on n'avait pas pu écouter sur la première émission. Ah, et alors ? Oui, ce monsieur s'appelle Pierre Charby. Oui, j'en ai vaguement entendu parler. T'en as vaguement entendu parler, tu vois ? Ouais, bah c'est bien. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Bah, quelle chanson tu as choisi ? C'est avec plaisir. Alors là, on va écouter « She ». Ah oui, c'est une j'espère que je prononce bien. Charles Aznavour, ouais. Qui a été vraiment mondialement connu grâce au film Coup de foudre à Notting Hill avec ma copine Julia Roberts. Julia Roberts, c'est pareil. Alors elle a un sourire. Elle est magnifique. Hein, moi, je l'adore aussi, Julia Roberts. Presque aussi beau que celui de Cathy. Bien sûr, mais Cathy a un beau sourire aussi. Nous, les femmes, Hugh Grant. Hugh Grant, d'accord. On écoute ce jeune premier. Ce jeune homme là dont tu viens de nous parler. De parler, voilà. Donc on écoute. Merci. Je précise simplement vite fait. Oui. C'est une chanson qui fait partie de mon album Le Cœur Battant. Voilà. D'accord, très bien. She may be the face I can't forget. The trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that Solomon sings. Maybe the chill that Adam brings. Maybe a hundred tearful things within a measure of the day. She may be the beauty of a beast, may be the fame in all a fist, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in her stream. She may not be what she inside a shell. She may be the song that Solomon sings, maybe the chill that Adam maybe a hundred tearful things within a measure of the day. She who always seems so happy to cry, whose eyes can be so private and so broad, no one so long to see them when they cry. She never the love that came and hope to last may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one wherefore I'm alive, the one I care for through the round and through the years. Me, I took her laughter and her tears and make them all my silver ears, for where she goes, I get to be. The meaning of my love is she. Oh, she. Voilà, Pierre Charby. Merci. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour les Vosges. Bonjour Alain Quetraire. Voilà. Tu fais un coucou, moi c'est mon copain aussi. Hein, ben, bien sûr, je me doute bien. Oui. On travaillait ensemble en animation sur Paris il y a quelques années. Ah oui, d'accord, ouais. Savais pas. Il m'avait pas tout dit, le coquin. Non, il ne t'a pas dit. Il m'avait pas tout dit. Donc, moi, je voulais juste faire un petit commentaire. Cette chanson que j'adore, écrite, enfin composée en tout cas par Aznavour. Oui. C'est moi qui ai conseillé à Pierre de la chanter. Car dans le film, on l'entend au début par Aznavour. Oui. Par Elvis Costello, c'est pas mal, mais ça manquait un petit peu de brillance. Oui. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu la fasses, toi, je suis sûre que ça va être super. Et je m'étais pas trompée. Ah non, pas du tout, Cathy. C'est vrai que c'est une belle interprétation de Pierre, là, sur cette chanson-là. Oui. Donc, la journée de la femme, oui. J'insiste sur le fait que les femmes ont toujours raison. D'accord. Comme ça, c'est dit. Ça, c'est fait, je l'avais prévu, donc on le met de côté, c'est fait. C'est fait. Est-ce que tu as autre chose dans le même style, Cathy, non ? Au fur et à mesure. En parlant d'au fur et à mesure, oui. Est-ce que tu as prévu, tout à l'heure ou maintenant, je ne sais pas, Liane Folly, qui est quand même un grand crooner femme. C'est... On ne dit pas crooneuse. Hein. Oui, on ne dit pas crooneuse, c'est vrai. Oui, mais tu m'avais dit la dernière fois. Ouais. Qui avait chanté et qui chantait au fur et à mesure, qui était vraiment dans le style crooner. Alors si tu l'as prévu peut-être un peu plus tard. Elle est prévue, Pierre. Elle est prévue. Super. Ah, tu es un grand professionnel. Hein. Ah bah écoute, quand même. Hein. Oui. Alors qu'est-ce que tu nous proposes maintenant, après ce petit jeune homme, Pierre Charby? Alors après ce petit jeune homme, je vais proposer, parce que c'est vrai que la dernière fois on ne l'avait pas entendu, je l'avais programmé aussi, mais ouais. Et on va écouter Elvis. Ah oui, un autre jeune homme. Un autre jeune homme. Ah oui. un autre, voilà, le King. Ah oui, c'est un éternel jeune homme, hein. C'est comme Mike Brandt, c'est comme... Bien sûr, comme... Ils seront éternellement jeunes. Bien sûr, ouais. Alors, donc, nous avons choisi ensemble, tu me l'as suggéré, Pierre, hein, c'est vrai. Oui. Donc, on va écouter Loving You. Ah bah oui, oui. Voilà. C'est une de mes préférées d'Elvis. D'accord. I will spend my whole life through loving you, just loving you. Winter, summer, springtime too, loving you, loving you. Makes no difference where I go or what I may do. You know that I've always been loving you, just you. Don't be blue, don't you be blue. I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me and you. Voilà une superbe chanson d'Elvis, Loving You. Et oui, j'interviens à nouveau juste une petite seconde. Mais je t'en prie, Cathy, tu as la parole, il n'y a pas de problème, aujourd'hui tu peux. Ah, aujourd'hui seulement. Oui, seulement aujourd'hui. D'accord. Bon, juste pour faire un petit clin d'œil à notre Johnny National, oui. Qui nous a quittés et qui nous rend extrêmement tristes. Bien sûr. De son départ. Car au début de sa carrière, quand il n'avait pas de vrai répertoire à lui, oui. Il chantait cette chanson. Ah oui, oui, oui, oui. Il a fait une adaptation, je crois, d'ailleurs, en français. En français, oui, oui, je me souviens plus. Il allait très bien, puisque, voilà, il adorait Elvis. Oui, voilà. Oui, bien sûr, bah, Elvis était le déclencheur. Elvis était le déclencheur pour Johnny. Hein. Oui, il avait été le voir au cinéma quand il était jeune, il l'avait vu dans un film, et c'était le déclencheur pour Johnny. Hein, pour oui, et chanson. Qu'est-ce qu'il était beau. Enfin bon, ouais, je te rends antenne. D'accord, mais tu pourras intervenir quand même, hein, pas de souci. C'est vrai qu'il était beau, Johnny, hein, quand il était... Ah, oui, dans les années, bon. C'est vrai... Il avait quand même, ça reste quand même notre king à nous. Hein. Ah, bien sûr, il a toujours été, oui. Je ne sais pas s'il écoute Radio Gémozo, mais on lui fait un petit coucou quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, après ce petit jeune qui s'appelle Elvis Presley... Voilà, alors nous allons, Pierre, nous allons redonner la... Enfin, je ne veux pas dire la parole, nous allons redonner la voix à une, oui. à une dame que Cathy a citée tout à l'heure. Que tu as cité aussi, je crois, Liane Folly. Oui. Avec ce titre, Au fur et à mesure. Voilà, avec une voix de folie, d'ailleurs. Avec une voix de folie. On écoute. Ah, on écoute avec plaisir. C'est parti. J'ai gommé les ratures. Et là, sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. Voilà, Liane Folly. Une belle voix aussi, hein. Au fur et à mesure, une belle voix aussi, hein, Liane Folly. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de faire un gala, mais il y a très longtemps, avant qu'elle fasse refaire un peu son visage, oui. Qui était d'ailleurs très beau aussi. C'était en 88, je faisais un petit peu le tour de France des concerts, oui. Avec mon groupe Quart d'heure américain. Ah oui, donc, d'accord. Donc on a diffusé la chanson Au top des années 50 la dernière fois. Sur la première émission, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? Alors Pierre, moi ce que je te propose maintenant, c'est que c'est vrai que, bon, tu sais, je vois un petit peu ce que tu mets sur Facebook, hein, et puis tu sais que dans mon émission Les Années Bonheur, il y a toujours de la bonne humeur, puis je sais ah que oui. Des fois tu mets quelques petites blagounettes sur ton, oui. sur ton Facebook. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu serais, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour nous raconter une petite blagounette? Ah, ben, pourquoi pas, alors. On les lit, bien sûr, sur ton Facebook, mais entendre, oui. Pierre, raconter une petite blagounette, ça serait sympa. Bon, alors, j'en ai une qui est pas mal, que je n'ai jamais racontée sur Facebook, parce que il faut la raconter de vive voix. Hein. Voilà, alors, c'est tout le monde connaît Marius et Olive, hein, les voilà. histoires de Marius et Olive, et moi, j'en connais une de Marius et Olive qui partent à la chasse au lion en Afrique. Alors... ils sont chez eux, ils préparent leurs affaires, leur matériel, etc. Et Olive qui dit à Marius, Marius pardon, qui dit à Olive, dis-moi Olive, tu es déjà allé toi à la chasse aux lions? Il dit, bah non, pêcheur, je suis pas allé à la chasse aux lions, tu le saurais, puisqu'on est toujours ensemble. Il dit, ouais, mais et tu sais comment on fait pour chasser le lion? Il dit, bah écoute, on a un fusil, hein, dès qu'on voit un lion, on épaule, on vise et on tire. Il dit, oui, mais écoute, imagine, Yves, que le lion, que le fusil il s'enraye. Qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que je fais? Je me sauve, hein. Il dit, oui, mais le lion, il va te courir après. Elle dit, ben, je me retourne, je prends le fusil par le canon et je lui fous un super coup sur sa tronche de con à ce lion. Il, c'est pas un lion qui va me faire la loi, non? Il dit, oui, mais enfin, Olive, tu t'imagines, là, le lion, tu as vu la tête que ça, ton coup de crosse sur la tête, ça va même pas lui faire mal. Il dit, bon, ben, je lâche le fusil, je prends mes jambes à mon cou, et je cours, et dès que je vois un arbre, je monte à l'arbre, et tout le monde sait que les lions, ils ne savaient pas monter à l'arbre. Hein. Alors il fait, oui, mais imagine que ce lion, il sache monter à l'arbre. Oui, mais enfin, bon, et alors moi, je monte très très haut, et le lion, il est lourd, il est gros, il ne va pas pouvoir me suivre longtemps. Il, oui, mais imagine que ce lion, eh ben, il sache monter très haut sur l'arbre. Ouais, mais eh ben je me mets sur une petite branche très haut, vraiment. Et le lion il pourra pas, hein, s'il monte sur la branche, on va se casser la gueule tous les deux. Il dit, ouais, mais imagine, il dit, putain Marius, tu es l'ami du lion, tu es mon ami. C'est vrai que c'est sympa. Et c'est vrai que comme tu dis, la raconter, et puis bon bah tu mets un petit peu l'accent, je veux dire voilà, hein, c'est vrai que, et ça c'est pas facile sur, on l'aperçoit peut-être moins en écrit sur Facebook, quoi, mais bon. Ah oui, là c'est une histoire irracontable sur Facebook. Oui, c'est ça. Ah mais il y en a eu des histoires, hein, sur Marius et Olive, hein, c'est vrai que c'est voilà, sympa, c'est très bien, bah, merci Pierre. Ça plaira à tout le monde. Bah, écoute, de toute façon, ça fait du bien. Moi je dis toujours, c'est vrai que la bonne humeur, comme ça, rigoler, les petites blagounettes, ça fait du bien. C'est vrai, par les temps qui courent. Voilà. Voilà, c'est une histoire qui m'a toujours fait rire, je ne m'en lasse pas. Et quand on est entre amis, entre copains et tout, je la raconte toujours parce que bon, bien sûr, c'est une histoire culte, une blagounette culte. D'accord. Alors tu sais, maintenant il y a Dani dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle ne pleure plus, elle rit, oui. Elle rit maintenant, elle est contente par rapport à la blagounette. Alors si tu veux bien, Pierre, oui. Excuse-moi. Eh ben, écoute, qu'on écoute maintenant. On va écouter maintenant The Voice. Tout à l'heure, on a entendu, bien sûr, The King. Maintenant, on va écouter The Voice. Eh ben, super. Donc, tu sais de qui je veux parler? Ah ben, bien sûr, de Frank Sinatra. Frank Sinatra, avec ce titre, Stranger in the Night. Allons-y. C'est parti. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Alors vous êtes toujours sur le 107 FM Radio Guémozo et bien sûr sur le web pour cette émission hommage aux crooners, donc avec la participation de Pierre Charby bien sûr et puis de son épouse Cathy. Voilà Pierre, oui, là, moi, on vient d'écouter Frank Sinatra. Ah ben oui, moi quand j'entends The Voice, ça me laisse sans voix justement. Oui, ça... d'accord. Mais bon, je dois dire quand même qu'il y a, depuis Sinatra... je pense qu'il y a quand même beaucoup de talent en France et l'émission The Voice nous a prouvé qu'il y avait des voix également en France. Oui. Et moi je pense que c'était pas un crooner, mais je pense aussi à mon ami Mike Brandt. Je dis mon ami parce que j'avais l'honneur et le privilège d'être considéré par lui-même comme son meilleur ami. Oui, pour moi, c'est une des plus belles voix que j'ai entendues dans ma vie. Alors, même si c'était pas vraiment une voix de crooner, je ne sais pas ce que vous allez en penser, tous ceux qui êtes à l'écoute. Oui. Mais je pense que s'il avait été à l'époque d'un Sinatra, s'il avait existé à l'époque d'un Sinatra, peut-être qu'il y aurait piqué ce titre. Ce titre, oui. De The Voice. Mais, voilà. Mais je crois que Mike Brandt, donc à ses débuts, si je me trompe pas, il reprenait des chansons, notamment. Mince, le titre m'échappe. C'était Summertime. C'était Summertime, tu sais, de Gershwin. C'était peut-être autre chose. Summertime, c'est pas. Non. C'est vrai que. Mais bon, Mike Brandt, une voix inégalable, hein, c'est vrai que... Inégalable, et voilà. Bon, on passe à autre chose. Alors là, si tu veux... J'ai promis quand même d'être un peu moins bavard, alors. Oui, hein, tu vois, ça passe bien pour l'instant. Je pense qu'on va battre un record, Pierre, on va battre un record. Alors, bon. Si tu veux, c'est vrai que là, on a entendu des chansons très douces, etc. Et bon, là, j'ai fait un petit choix, j'avais été rechercher un petit peu sur Internet. Oui. C'est un artiste qui s'appelle Tony Christie. Ah. Il est. Bah, écoute, il était rangé dans la catégorie crooner. Hein. Bon, on va écouter. Je dois avouer. Oui. On en reparlera après si tu veux bien. Donc alors, là, ça va être un tout petit peu plus rythmé, tu vois. Oui. Et puis donc, tu me diras ce que tu en penses après. Ok. D'accord. Donc, alors, on s'écoute Tony Christie avec ce titre « Is this the way to a Mario ?» Is dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to sweet Marie, who wait. Voilà, Pierre, Tony Christie, est-ce que ça te parle? Je ne classerai pas personnellement, hein, mais ça n'engage que moi. Je ne classerai pas ce genre de chanson, en tout cas de chanteur, oui, dans la catégorie crooner, mais pourquoi pas, après tout. Hein. Alors je m'étais dit, bon, voilà, bon, il y avait un petit peu de rythme, tout ça, alors c'est pas... Ben, ça met un petit peu, ça casse un petit peu le rythme, justement, de l'émission. Oui, non, mais je veux pas casser, enfin, ça met un petit peu de rythme, mais je veux pas casser, bien sûr, notre émission, bien sûr, voilà, hein, pour les crooners. Voilà. Alors, maintenant, on va écouter toujours ce jeune premier... Ah bon, encore? Oui. Ah bah écoute, c'est normal. Eh bah écoute, on va écouter ce jeune premier. Dans laquelle? Alors dans cette belle chanson, puis je pense que bah, bien sûr tu vas en parler, puis Cathy aussi, oui, avec cette chanson Meknès en mon cœur. Ah bah là. On écoute. Ouais. Merci. On en parle après. Alors. On en parle après. C'est la chance qui un jour m'a fait naître sur cette terre d'amour. Dans ma vie de tous les jours, oh, Meknès en mon cœur. Mes parents, mes amis, avec vous je reviens faire un tour. Mais jamais amour, à Meknès en mon cœur. Certains auraient voulu voir le jour au cœur de Paris. D'autres encore dans des îles lointaines. Moi, mon soleil est ici. Liberté à Meknès en mon cœur. Saluons ensemble Poémimo, l'Ismaïl ou Maro. Pierre Charby, Meknès. Il est pas mal, ce petit chanteur là. Bah, il chante pas mal, je trouve. Hein. Je trouve qu'il a une belle voix. Hein. Dans cette chanson, bon, dont j'ai fait la musique avec mon ami Serge Aouzi, oui, chez qui j'ai fait tout l'album. Et je préciserai simplement que c'est Cathy qui a écrit ce beau texte en hommage à ma ville natale. Et je suis toujours ému de l'entendre et de la chanter. Alors n'en parlons pas, évidemment. Je l'ai chanté à Meknès même. Et oui, je dois avouer humblement que j'ai craqué dès les premières mesures. Je me suis repris, évidemment. Mais d'émotion, oui. Ben oui. En plus, j'ai craqué parce que je voyais les gens du premier ou du deuxième rang sortir les mouchoirs. Oui, bien sûr. Et là, ça m'a ému vraiment à bloc, quoi. Voilà, c'est une belle chanson composée par moi et mon ami Serge Aouzi et écrite par Cathy. C'était une très belle chanson. J'ai une question, Pierre. Est-ce que tu y retournes à Meknès, je dirais? Non, je n'y suis pas retourné depuis. Ouais. Et pour l'instant, ça n'est pas d'actualité, on va dire. Ça s'est tellement bien passé quand on y est retourné que je préfère garder ce très très beau souvenir. D'accord. Parce qu'on nous a accueillis vraiment, j'allais dire, même pas comme des stars, mais comme de la famille. Oui, je comprends bien, bien sûr. Voilà, c'était génial. Et je préfère rester sur cette impression magnifique que nous ont laissé nos amis marocains, nos amis Meknassi. D'accord. Voilà. Et encore bravo à Cathy pour ce beau texte. Moi, hein. Je dis merci parce que elle a écrit vraiment une très belle chanson pour moi. D'accord. Alors j'ai un message que je vous livre. Oui. Donc c'est Sylviane Burel. Elle met, je suis à l'écoute. Bisous Pierre et Cathy. Eh ben, on lui fait le gros bisou là-bas au Havre. J'espère qu'il fait beau, Sylviane, chez toi. Sinon, on t'envoie un petit paquet de rayons de soleil. D'accord. Mais à force d'envoyer des petits rayons de soleil partout, Pierre. Je sais que Sylviane doit venir un peu dans le midi, là. Bientôt, je ne sais plus, mais je pense qu'elle va me recontacter pour ça. D'accord. Espérant qu'on pourra se voir. Okay. Voilà, je t'embrasse encore, Sylviane, et Cathy t'embrasse aussi. Bien. Voilà. Alors, on va écouter, bien sûr, une autre chanson. Ah oui, on va se gêner, tiens. Ah, on va se gêner, non, mais attends. Hein, c'est notre émission, c'est notre style, enfin, ce qu'on avait choisi. Oui. Alors, on va écouter maintenant Polanka. Ah, Polanka. Ah, Polanka, donc avec ce titre. Je pense que tu vas deviner. Je ne sais pas, parce que prochain album, j'ai deux chansons de Polanka. J'ai Crazy Love et You Are My Destiny. Ah, ok, d'accord. Alors, moi j'ai choisi Diana. C'est pas mal. Bien sûr. Et puis, ça va mettre un peu de rythme. Voilà. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Voilà, Polanka. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. Ah, ça, c'est toute ma jeunesse, là. Ah oui, c'est vrai que c'est sûr que... Il avait 14 ans quand il a sorti cette chanson. D'accord. Ouais. Et moi, j'en avais 15. Ouais. Les jeunes. Ouais. Alors, tu me disais, Pierrot, juste avant la chanson, donc, que tu as sélectionné deux titres de Polanka sur ton futur album. Oui, mon futur qui est presque prêt, il est terminé techniquement parlant, musicalement parlant, mais il me reste la photo pour la pochette que je dois faire avec mon amie Anne Danicourt qui habite Cannes. J'espère qu'elle écoutera cette chanson, cette émission. Bon, elle travaille, hein, comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Et voilà. Il en faut. Oui, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou ainsi qu'à sa meilleure amie qui est notre amie aussi qui s'appelle Nathalie Lefebvre, qui est une nana super sympa aussi. Voilà, on les adore et on les embrasse très très fort toutes les deux. Mmh. Voilà, donc là je pense qu'on va attendre qu'il fasse encore plus beau. Bien sûr, oui. Pour faire ces photos-là, cette photo, et puis bon, il y a le petit livret qu'il faut terminer avec des photos, plein de choses. Très important aussi. Voilà, je veux que cet album sorte vraiment dans des conditions optimales. Il y a 15 titres, vraiment, je peux dire moi-même, qui sont canons, parce que les chansons sont canons. C'est un hommage. Modeste hommage quand même de ma part au plus beau slow des années 50 américaines, un album entièrement en anglais, bien évidemment. Certains de mes amis ont déjà découvert un tout petit brin de cet album sous la forme d'un medley que tu connais toi aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, et je pense qu'ils découvriront le reste. Peut-être pas à l'été, mais à la rentrée 2018, à l'automne. J'espère que ce disque sera dans les bacs. D'accord, et puis j'espère que à ce moment-là, on se retrouvera, Pierre. J'espère qu'on se retrouvera même avant. Ah bah oui, bien sûr. Mais on va attendre jusqu'à l'automne pour ça. Non, mais bon, là, on fera une émission spéciale pour la sortie de ton album. Plaisir. Ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté comme suite? Attends, je vais te dire. Mais alors, j'ai un petit message. Alors, bon, c'est Sylviane Burel qui répond, en fait. Elle dit: merci Pierre, le soleil est au Havre aussi. Et je serai en mai à Cap-Martin. Voilà. Ah voilà, c'est bien ce qu'elle m'avait envoyé comme message. Merci Sylviane. Voilà Sylviane, on lui fait des bisous. Alors ensuite, le suite du programme. Oui. Alors j'ai sélectionné aussi, alors je vais essayer de me prononcer parce qu'en anglais je ne suis pas terrible, mais bon voilà, ça dépend des... Quand c'est des mots qui sont au cours, ça va, quand c'est un peu plus long, j'ai du mal. Bon, alors là on va écouter The Rizzo's Brothers. Ah bah oui. Ah voilà, je pense que ça va, ça a été Pierre, la prononciation. On va dire que c'était pas mal. Bon, merci. Et le titre, c'est Unchained Melody. Alors, ça se prononce Unchained Melody, qui est d'accord. Également sur mon prochain album d'ailleurs. Ah ok, d'accord. Alors ça, c'est une chanson de 1965, j'avais noté ça. Cette chanson... j'ai mon amie Marion, la femme de Charlie Baran, qui adore cette chanson, et chaque fois que je la chante, je la lui dédie parce qu'elle aime beaucoup ma version à moi. Ouais. Je la remercie d'ailleurs d'aimer plutôt ma version que les autres versions, la version originale qui est plutôt pas mal. Oui. C'est vrai que la mienne, elle est pas mal non plus. D'accord. Voilà, j'espère que vous allez tous la découvrir très bientôt, comme je disais, à l'automne prochain. On espère aussi, puis elle avait été reprise aussi par Elvis, celle-là, je crois. Oui, elle a été reprise par les Platters, par un peu par tout le monde. Bon, alors avec mon anglais, je vais dire, on écoute cette chanson. On écoute. Et moi, je fais un gros bisou à Marion et à Charlie. D'accord. Time goes by. Voilà, très belle chanson. Ah, très très belle, hein, bien sûr. Alors, j'ai hâte de faire découvrir ma version à moi. Ah oui, oui, ben moi, c'est bien sûr. Bon, ça sera avec plaisir qu'on va découvrir ton interprétation, Pierre. Et puis donc, Patricia, là, donc Patricia, ma petite femme, me rappelle par un petit sur Messenger que c'est la musique du film Ghost. Oui, ben bien sûr. Bien sûr, hein. Et c'est sorti bien avant, des années avant Ghost, hein. Ah bah bien sûr, oui, moi j'avais noté, hein, 1965. Ouais, Ghost est sorti bien après, hein. Voilà, bien sûr, ouais, ouais. Donc ensuite, on presse le pas, là, parce qu'il est 5h. Oui. Donc on va entendre une autre dame, une autre chanteuse. C'est une amie à moi, hein. C'est vraiment une grande, grande amie. D'accord, ouais, donc je cite toujours... Nicole Rieu. Oui, Nicole Rieu, je lui fais un gros bisou, je sais qu'elle n'écoutera pas cette émission, mais ça fait rien, et je l'adore, tout simplement, j'adore sa voix, et on a fait pas mal de concerts ensemble, et chaque fois qu'elle chante cette chanson, oui. Elle m'appelle pour que je monte sur scène avec elle, et que je partage cette belle chanson que j'adore chanter avec elle, et qui s'intitule « Je suis ». Tu crois? Alors on l'écoute. Et si je vais sélectionner une autre? Ah bon? Non, Pierre, non. On écoute, je suis. Je suis ruisseau, fleur, rivière. Je suis le vent. Je suis l'ombre, la lumière, je suis la vie, je suis l'ouragan sur la dune, je suis une symphonie, je suis. Voilà, je suis Nicole Rieu. Eh oui, Nicole Rieu. Ah, ça Cathy, de retour. J'adore cette chanson. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai encore un exemple de voix de crooner. J'insiste là-dessus parce que pour moi, la définition du crooner, au masculin et au féminin en même temps, oui. Je pense que c'est tout simplement une voix puissante, mais dans la douceur. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre avec Nicole. Oui. Et Nicole, comme Marie-Myriam, oui. Voilà, aurait pu faire, il n'est pas encore trop tard, hein, mais bon, aurait pu faire avec Pierre un très joli duo, parce que voilà, ils ont ce style de voix. Oui, bien sûr. Pour interpréter des choses où il faut avoir de la voix, mais dans la douceur. Voilà. Bien sûr, ouais, d'accord, tout à fait d'accord, Cathy, ouais, bien sûr. J'écoute, je fais attention à tout ce qu'il dit. Hein. Ah ben, je vois bien, on ne dit pas de bêtises. Hein. Alors, bêtises, hein, surtout pas. Surtout plus, pas de. Oui. N'oublie pas que Philippe, votre ami Philippe Blanchard, est en train d'enregistrer l'émission. Oui, alors justement, à propos de Philippe, je viens de recevoir un petit message. Oui. Alors je pense que c'était pour la chanson, donc. Unchained Melody, excuse-moi. Unchained Melody. Voilà, oui. Et il me demandait, est-ce que Pierre ne peut pas nous en chanter un petit morceau? Oui, mais non, mais comme ça, c'est pas. C'est... Ouais. Il pourrait, mais oui. Il préfère garder ce. Bien sûr, l'exclusivité du prochain album. Oui. Mais quant à ton accent anglais, c'est l'accent anglais des Vosges, quoi. Merci, Cathy. je suis un petit peu meilleur dans la langue de Goethe, enfin en allemand. Forcément, parce que je suis pas loin de l'Allemagne, donc je suis un petit peu meilleur en allemand, mais c'est vrai qu'en anglais, c'est pas terrible. Allez, nous, on est nuls en allemand, hein, je te le dis tout de suite. D'accord. Ok, alors, on s'écoute. Oui, qu'est-ce qu'on écoute ? On s'écoute Roy Orbison. Ah oui ? Avec ce titre, Only the Lonely. Only the Lonely, voilà. On l'écoute. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the Roy Orbison. Ah oui, là c'est. C'est pas mal chose, aussi ça, hein. Oui, c'est encore autre chose. Hein. Et puis, il avait chanté la chanson, voilà, alors il faut que je fasse appel à ma mémoire, du film. Enfin, c'était le film avec Julia Roberts. J'ai du mal, j'ai un trou là, c'était sur le film. Moi aussi, c'est pas grave, on passe à la chanson suivante. C'est pas grave, on passe à la chanson suivante. Alors, la chanson suivante, Pierre, c'est une chanson qui est extraite. De ta compile, voilà, de Marianne, oui. de chez Marianne Melody, hein, c'est ça? Ouais. Donc avec ce titre, c'est Je ne sais pas ton nom. Ah oui, alors là j'ai une petite anecdote que je vais essayer d'abréger. Oui. C'est une chanson d'album, hein, de l'époque, de 1974, et à la suite de l'énorme succès de You en Amérique latine, dans toute l'Amérique latine, les producteurs là-bas nous ont réclamé un album de 12 titres. On en a enregistré 11, et la 12e, c'était celle-ci, et elle me plaisait pas plus que ça, et j'ai dit à mes producteurs, il y a qu'à leur envoyer 11 titres, et ils m'ont répondu, non, le contrat, c'est 12, il faut faire cette chanson. D'accord. Donc je l'ai faite un petit peu... contraint et forcé, ouais. Et bon, quand je l'ai chanter moi-même, bon, elle me plaisait déjà un peu plus. Et quelques temps plus tard, elle nous est revenue comme ayant été l'extrait numéro 1. Elle était numéro 1 dans toute l'Amérique latine. Tu vois. Et ben, j'étais quand même assez fier de ça, évidemment. Et quand cette chanson m'est revenue en tant que numéro 1, je l'ai beaucoup appréciée. D'accord. Curieusement. Non, non. Alors bon, moi je, tu sais, ça m'a permis, donc quand j'ai préparé l'émission, bien sûr j'ai ta compile, hein, et ça m'a permis de la réécouter, tu vois, parce que c'est vrai que, bon, voilà, tu es dans mes, comment je dirais ça, dans mes dossiers. En plus, il y a un pont musical oui. avec ma petite imitation du oui. saxo-soprano à la voix, avec ma voix. Donc tout c'est fait. Sympa, ça a dû leur plaire, tout ça là-bas. Et voilà, c'est la chanson que je ne voulais pas enregistrer, qui a été numéro un là-bas, quoi, voilà, tu vois. D'accord. Ouais. Donc, on écoute, Pierre ? On écoute, bien je sûr. Je ne sais pas ton nom. Voilà, Pierre Charby. C'est pas ton nom. Ah, écoute, voilà, ce jour-là, il n'avait pas un chat dans la gorge, hein, il avait avalé un saxophone. Ah oui. Ah oui, oui, tout à fait. Pierre, est-ce que tu fais encore cette Oui, bien sûr. Tu le fais encore, bien sûr. Voilà, ok. Alors ça moi je dis. Ça m'amuse beaucoup parce que je sais que ça intrigue tout le monde. les spectateurs qui sont là, ben, pensent que c'est du playback. Et souvent, on me demande de refaire un peu a cappella ce genre de choses. Bon, d'accord. Je me prête évidemment très, très volontiers à ça. Mais ça m'amuse que les gens pensent que c'est du playback. C'est un beau compliment, quoi. Oui, c'est sûr, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je sais, quand la première fois que j'ai entendu You, par exemple, hein, où tu fais aussi ce... Oui, voilà. C'est vrai qu'on se dit, tiens, voilà. Et c'est qu'après qu'on sait que c'est avec ta voix... Bah oui. Mais bon, je veux dire, ça fait du bien d'écouter ces chansons-là. Enfin, Oui. C'est notamment aussi cette chanson-là de, qu'on vient d'entendre, parce que c'est nos années 70. Enfin, je parle pour moi, puis bien sûr pour tout ton public et pour tous les fans. Hein, c'est vrai que ça fait du bien, ça, voilà, ça nous rappelle de bons souvenirs. Et puis voilà, c'était, l'année, c'était des années formidables, quoi, je veux dire. Voilà, c'est, ah, bah, je comprends. Pardon ? Voilà. Bah, écoute, on va passer à la suivante. Oui, tu me pousses là. Oui, oui, oui, parce que je vois le repas. Oui, oui, moi aussi, t'inquiète pas, j'ai le nez sur la pendule. On a beau retenir les aiguilles de cette montre-là, mais non, continue d'avancer. Hein. Oui, oui, bien sûr, ça me rappelle une chanson qui était chantée par les Sunlight. Je ne sais pas si tu connais, si on pouvait arrêter les aiguilles. Ah ben, si je ne connais pas les Sunlight... C'est une belle chanson, ça. Je ne sais pas s'ils sont à l'écoute, mes amis Sergio Cogoni eh ben, voilà. Et Chantal. On a fêté ses 80 ans il y a... Ben, demain, ça va faire 2 semaines. Et ce sont des gens formidables que j'embrasse, évidemment, très très fort et que j'adore. Ok, voilà. Pierre. Alors là, si tu veux, on va écouter... Nat King Cole, oui. Avec ce titre, alors tu vas le prononcer que moi, bah, je vais essayer quand même. Hein. Unforgettable. Alors, unforgettable. C'était pas trop mal quand même. C'était pas trop mal. Bon, allez, on écoute. Ça veut dire inoubliable. Ok, merci. Voilà. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. D'écouter donc Nat King Cole. Unforgettable. Unforgettable. Bon, je viendrai prendre des cours, Pierre. Oui, oui, oui. Avec plaisir. Bah, écoute, je pense qu'on arrive au terme de l'émission pratiquement là. Oui, bien sûr. On va terminer en beauté. Bien sûr, avec cette belle chanson. Je vais proposer de terminer en beauté avec vraiment une voix exceptionnelle. Celle de mon ami Charlie Baran, que j'embrasse vraiment très très fort. Oui, bien sûr. Écoute, Pierrot, si tu veux, on avait encore le temps de passer une petite chanson. Je regardais avec Marc à la technique. Ah bon. Donc, on avait encore le temps de passer une petite chanson. Alors, allons-y. Et puis, de se parler une petite minute, hein, pour se dire au revoir. Et puis, bien sûr, de passer cette chanson de ton ami Charlie Baran, qui voilà. S'intitule Salut, qui sera très bien pour clore cette émission. Hein, on ne peut terminer cette émission mieux qu'avec Charlie et cette chanson. Bah, bien sûr. Mais chut. Je vais te dévoiler maintenant, mais c'est pas grave. Hein. Non. Pardon. Non, non, mais c'est pas grave, il y aura quand même la surprise. Alors, on écoute maintenant, on va s'écouter un petit bout de Bing Crosby. Ah, ben oui, hein? Ben oui. Bing Crosby avec ce titre As Time Goes By. Bon. Ça, ben oui. Voilà. Comme le temps passe. A sigh, just a sigh. And the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. And the world will always welcome lovers as time goes by. Voilà donc Bing Crosby. Ah, Bing Crosby, il faut savoir quand même, ça a été un des tout premiers chroneurs au monde, qui a quand même vendu 200 millions de disques. Ah oui, c'est impressionnant. Bien avant des Sinatra et autres. Et Elvis et tout ça, c'est impressionnant. Voilà, ouais. À mon avis, c'était le premier qu'on aurait pu qualifier de The Voice. D'accord, ok. Alors Pierre, donc voilà, c'est vrai que l'émission se termine tout doucement. Pas déjà, mais je tenais à ce qu'elle se termine en beauté. Oui. Et on ne pouvait pas mieux faire qu'avec cette chanson de Michel Sardou, mais exceptionnellement bien chantée par mon ami Charlie Baran, mon meilleur ami. Et voilà, je leur fais de gros bisous à lui et à Marion. Et cette chanson, salut. Voilà, Charlie Baran, qui n'est pas du tout un sosie, oui. Qui n'imite pas la voix de Michel Sardou, mais qui a ben voilà, ce don. Il a une tessiture de voix quand même qui est très très proche. Hein. Ah, tout à fait. Qui a ce don de la nature que de chanter comme Michel Sardou, et même beaucoup mieux que lui. Bien sûr. Et bon, on va laisser tes auditeurs juger. D'accord. J'espère que si un jour Charlie chante dans la région des Vosges, ils seront nombreux à venir l'applaudir, parce que franchement, ça vaut le coup. D'accord. C'est un spectacle, Michel Sardou, époustouflant. Ok, super. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai, d'ailleurs, je voudrais lui dire qu'hier, j'ai écouté, hier et avant-hier, j'ai écouté toutes les chansons de son disque. Ah oui. Et avec des écouteurs, il y a un son fabuleux et cette voix. D'accord. Cette voix sublime. Quoi. Bah moi, je te remercie de m'avoir envoyé le morceau, parce que moi, j'ai découvert aussi. J'aime bien. C'est vrai que. Voilà, moi, j'adore. Comme je disais, cette tessiture de voix, c'est vraiment assez. Comment je veux dire, c'est assez impressionnant, quoi, je dirais, oui, par rapport. C'est assez troublant. Ah, c'est assez troublant, dire. Comme tu dis, plus exactement. Alors, Pierre. Ce que je te propose, est-ce qu'on se dit au revoir tout de suite? Non, on passe la chanson. On se dit au revoir après, hein. Voilà. Alors on écoute Charlie Baran avec ce Merci. Titre Salut. Gros bisous Charlie et Marion. Maintenant, coupez tous les projets. Faites-moi une nuit étoilée. Juste un rayon sur mon piano et sur le public, un bleu voilé. Juste vous et moi pour finir, comme nous étions pour commencer, et une petite musique pour vous dire que le spectacle est terminé. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà. Et puis je ne suis pas non plus ce que j'écris. Que cela vous déçoive ou non, tant pis. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini. Je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Une autre année, un autre endroit. Adieu jusqu'à la prochaine fois. Salut. Quant à l'image que l'on donne de moi, ma gueule, Marie fidèle, etc. Ça doit sûrement vous amuser, vous savez mes fidélités. Ma seule histoire d'amour, c'est vous. Et même si l'on ne s'est pas toujours compris, que cela vous surprenne ou non, tant pis. Les grands moments que nous avons ne sont pas seulement les chansons, c'est quand le spectacle est fini. Salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Un clin d'œil entre vous et moi, bien sûr que l'on se reverra. Salut. Voilà. Super, merci Gilles. Voilà Cathy, Pierre. Je reprends le micro, l'antenne. Oui. Parce que Pierre est en train de, bah, tout simplement de, d'avoir les yeux qui coulent. D'accord, ouais. D'émotion. C'est vrai qu'on adore cette chanson. C'est vrai que c'était un très beau final pour cette émission, ouais. Ah ouais, vraiment. Mm. Et tu vois, dans les paroles, jusqu'à la prochaine fois, bah, peut-être qu'il y aura un troisième volet. Et pourquoi pas un troisième volet? Parce qu'il reste des titres encore, hein. Il y aura peut-être une prochaine fois. J'espère bien. Alors, Cathy, Pierre, je vais vous laisser, puisque voilà, ça se termine. Hein. Je vous remercie encore tous les deux d'avoir été là avec nous sur nos ondes, et puis on a préparé ensemble cette deuxième émission de Crooner. On se retrouve bientôt. Bah pour un troisième volet, hein. Pour un troisième volet, et puis ma foi, donc je vous fais des... C'est qu'on n'a pas pu passer, qu'on avait prévu, il y a quand même Jean Sablon, il y a quand même... Voilà, mais elles étaient sur la clé, mais tu vois, on ne pouvait pas, quoi. Et puis encore, on a fait un record, on en a mis 18, hein. Bah oui, et puis il y avait Sacha Distel avec La Belle Vie, enfin bref. Voilà, alors je suis obligé de vous laisser, excuse-moi Pierrot, je suis obligé de vous laisser parce que voilà, on est dans le timing. Bisous à tous. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à bientôt. À bientôt Gilou. Merci, bye bye, portez-vous bien. À bientôt. Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine, j'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien aussi, bye bye à tous, merci Marc, à bientôt. Tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta.